Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAC sur Radioactive, votre rendez-vous d'infos locales, de bons plans et de découvertes qui pétillent. Voyez-vous cette belle intro parce qu'aujourd'hui, on vous propose justement de parler de bulles, et pas n'importe lesquelles, des bulles naturelles, celles qu'on retrouve dans certains vins, cidres et poirées issues de la fameuse méthode ancestrale. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Joyer. Alors Julie, elle est organisatrice du Salon Bulle au Centre, présidente de l'association Bulle. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien ? Ça va super. Bon. Et Julie, aujourd'hui, tu es venue accompagnée de Pascal Potter, vigneron à Faverolles-sur-Cher et surtout créateur de Bulle au Centre. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans notre studio pour nous parler de cet événement qui est Bulle au Centre et qui n'est pas le seul d'ailleurs. Il y aura différentes choses à nous dire. Donc ce salon itinérant, il fête ses 10 ans cette année. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir le créateur avec nous aujourd'hui peut-être ? Oui, c'est ça, oui. Oui. Il y a eu un galop d'essai en 2014, mais vraiment, le premier salon a eu lieu en 2015, effectivement. D'accord. Et cette année, vous faites escale pour notre plus grand plaisir à nous, les Amboisiens. Alors, à Tours, le 6 juillet, mais surtout à Amboise, les 19 et 20 juillet, à La Charpente. Oui, et ce sera la deuxième édition à Amboise. Et on a un peu envie, après beaucoup d'années de vadrouille, de stabiliser un petit peu Bulle au Centre. Donc on espère que ça va continuer encore les années suivantes. Eh ben, on le souhaite. Alors Julie, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter l'association Bulle et sa vocation, depuis quand elle existe ? Bulle, c'est une asso qui avait été créée donc, dans les années 2015-2016 pour porter le salon Bulle au Centre et que j'ai recréée avec Pascal il y a 2 ans. Donc c'est une association qui a une dizaine d'années, on va dire, dans son esprit et dans les personnes qui y sont impliquées. D'accord. Alors je vais peut-être m'adresser du coup à Pascal. En quoi les pétillants naturels sont-ils à part ? Alors ils sont différents simplement parce qu'il y a deux façons de pouvoir élaborer des bulles. Soit la méthode ancestrale, ce dont on parle, ou alors la méthode champenoise ou traditionnelle, dite traditionnelle. Donc d'un côté, les méthodes ancestrales, c'est simplement le jus naturel, les sucres naturels, sans levurage, sans adjonction. Mm-hmm. Et donc le procédé est totalement différent de l'autre. Donc d'où les premières bulles à l'origine, le cidre, le poiré, fait entre guillemets naturellement, c'est issu de cette méthode-là. Et ça fait combien de temps ? Donc on a bien compris que c'était les 10 ans du salon Bulle au Centre, mais ça fait combien de temps que finalement il y a une expansion de ce type de consommation de vin bio, de vin naturel ? C'est pas si vieux que ça, j'ai l'impression. Pas si vieux que ça, je pense que ça correspond à une génération de vignerons qui est en train de passer la main à la nouvelle actuellement. Ça correspond à peu près aux années 90 pour les pétillants naturels, du côté de Rochecorbon. Un certain Christian Chaussard a un petit peu remis ça en activité, en fin de compte, on ne crée pas, on remet en place un protocole qui est ancestral. Mm-hmm. Donc voilà. Et les pétillants naturels, ça a vraiment eu de plus en plus de succès aussi à partir des années 2010. En gros, il y a des personnes qui ont commencé de plus en plus à en reproposer, et notamment Pascal, qui ne le mettra pas forcément beaucoup en avant, mais Pascal est super reconnu dans le milieu des vins naturels pour ses pétillants naturels et puis par la suite aussi pour les cidres et poirées qu'il a élaborés et qu'il continue d'élaborer. Et en tout cas, le fait d'aller vers des vins plutôt avec des procédés naturels ou des vins bio, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que ça a une vingtaine d'années en tout cas, le fait que la consommation des vins bio, ça, pendant des années, il y a vraiment une croissance à deux chiffres, tellement les gens s'intéressaient de plus en plus à ce qu'il y avait vraiment dans la bouteille et dans les verres qui buvaient. Effectivement, ça correspond à l'engouement des vins nature. Donc les bulles devaient être, entre guillemets, nature, un peu plus nature peut-être, et donc la méthode ancestrale se prêtait totalement à ça, quoi. Il n'était pas question à l'époque de levurer, de chaptaliser et autres, et donc c'est la seule méthode en bulle qui permette de le faire. Et comme disait Pascal, donc il y a deux méthodes, donc tu as parlé de la méthode ancestrale, et la différence avec la méthode traditionnelle, c'est que dans la méthode traditionnelle, on ajoute du sucre et des levures pour faire une seconde fermentation. Et ce sont des levures et du sucre qui sont extérieurs au jus de raisin. C'est bien ça la différence avec la méthode ancestrale, où c'est un seul jus qui continue sa fermentation dans la bouteille et dans lequel on ne met rien du tout. Donc c'est ça qui paraît un peu magique. À chaque fois que Julie vient, ça donne soif, hein. C'est curieux. Il y a quelque chose comme ça qui est... Alors Pascal Potter, vous êtes, vous, installé à Faverolles-sur-Cher. Ah oui, Faverolles-sur-Cher, pas très loin d'ici. Et donc, une zone où on élabore différents vins et où ça permet, de, par rapport à certains cépages, de faire des bulles, quoi. Mmh. Donc c'est, entre guillemets, mon fief, modestement. Et alors, il y a une itinérance toujours entre le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. C'est vraiment quelque chose, c'est une volonté, vraiment ? Alors, ça l'a été pendant longtemps, en fait, parce que, comme on disait tout à l'heure, le salon est né, en fait, à Montrichard, juste à côté de Faverolles. Mmh. Pendant plusieurs années, il a eu lieu dans la commune. Et puis, il est passé un petit peu en Indre-et-Loire, à Mont-Louis, en 2018. En 2019, on était à Faverolles même. Puis après, il y a eu une pause Covid, comme pour beaucoup d'événements. Et en 2022, quand on a repris, on est parti tout au nord du Loir-et-Cher. Et là, c'est un petit peu un tournant aussi dans l'histoire de Bulles au Centre, parce que c'est le moment où on a commencé à accompagner aussi le mouvement des cidres et des poirées dont on entendait de plus en plus parler. Et c'est vraiment la première édition de Bulles au Centre où il y avait à la fois moitié vin de raisin et moitié poirée et cidre. Et c'est ce qui perdure encore aujourd'hui. Et alors que je ne fais pas de quotas au moment des inscriptions, naturellement, ça vient s'équilibrer à moitié-moitié aussi encore là en 2025. Oui, donc c'est assez... Et puis ça traduit aussi une montée de la notoriété de ces produits, parce qu'ils correspondent aussi à un goût actuel pour des choses moins alcoolisées, et puis aussi d'autres univers gustatifs et aromatiques que moi j'ai aussi complètement découvert il y a peu de temps, en fait, finalement, parce que... Moi, j'ai plutôt suivi une formation dans le vin il y a une dizaine d'années. Et les cidres et poirées, je les ai découverts chez Pascal. Et puis notamment ce fameux Bulles au Centre 2022. Donc tu parlais de la géographie. Donc on est passé en 2023, 24 et 25. On est plus côté Touraine, c'est aussi pour des côtés pratiques, parce que c'est là où j'habite. Mmh. Et puis c'est vraiment... Bulles au Centre, c'est le côté central... on a autant des gens qui viennent de Bretagne, Normandie, Lorraine, donc on se réunit ici. Ouais. Oui, par définition, c'est central, donc c'est pratique, effectivement. Pascal, du coup, j'ai quand même envie de vous poser cette question. Ce qui se passe en ce moment, là, cette chaleur écrasante, est-ce que c'est une condition propice ou plutôt problématique pour vous ? Actuellement, la vigne ne souffre pas encore parce qu'on a eu de l'eau hiver, printemps, donc les vignes sont très très belles. Bon, elles vont finir par souffrir s'il n'y a pas un peu d'eau quand même bientôt. Mais pour le moment, ça va très très bien. Mmh. À part dans certains endroits où certains ont eu des dégâts de grêle, donc de l'eau dans ces conditions-là n'est pas très souhaitable. Mais pour le moment, dans les endroits où ça se passe bien, où il n'y a pas eu de problème météorologique, ça va très très bien. Mmh. D'accord. Donc des belles grappes en prévision pour faire des jolies bulles. Super, c'est tout ce qu'il faut. 19 et 20 juillet, on se retrouve du coup du côté de la Charpente pour le salon Bulles au Centre. Alors, quel format cette année ? Y a-t-il des nouveautés ? Comment ça va se passer ? Alors cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on ouvre le samedi après-midi pour la première fois. Donc dès 14h et jusqu'à 19h, il y aura 24 stands de pétillants naturels avec toujours aussi deux boissons sans bulles possibles. Et donc, c'est toujours vin, cidre et poiré. Le samedi soir, il y a ce qu'on appelle le grand dîner des exposants et des exposantes, pendant lequel, en fait, le tout public peut réserver donc, jusqu'à 7 jours avant le salon. Donc, jusqu'au 12 juillet, vous avez le lien sur les réseaux sociaux du salon, Facebook et Instagram, où vous pouvez aller sur le Hello Asso, le site, pour réserver votre repas. Et donc là, vous pourrez avoir un vrai repas. Des produits locaux. Alors, tout à fait. Imagine. Tout à fait. Avec Dison Dinette, qui est une traiteur qui est installée à Noisy et qui va cuisiner avec Bérangère aussi, qui lance son activité. Elles vont faire une salade grecque en entrée, un jambon à la broche pour le plat, ou du tofu grillé pour les végétariens, végétariennes, écrasé de pommes de terre et ratatouille, et un dessert, une tartelette citron basilic. Donc tout ça, c'est possible encore de réserver, il reste pas mal de place pour manger avec les exposants. Et il y aura une animation musicale toute la soirée et le dimanche par Chacha Boogers. Donc on est super fiers d'accueillir Chacha. Ah bah super, bah tiens, on terminera cette émission avec un morceau de Chacha Boogers qu'on aime beaucoup sur Radioactive. Donc tous ces exposants qui seront présents, là encore ce sont des exposants, des vignerons locaux. Alors, locaux ou pas, en fait, il y aura aussi David Botin, par exemple, qui est un habitué de Bulle au Centre, qui vient des environs de Die, donc qui fait de la clairette de Die, et qui est vraiment incroyable, donc je vous invite à venir la goûter. Et on aura aussi des exposants de Bretagne, de Normandie, du Poitou, et puis aussi de la Loire, évidemment, parce que voilà, c'est quand même important, la Loire. Vous avez déjà prévu une sélection de boissons pour déguster ce bon repas, vous, Pascal ? Alors, on propose généralement, ce sont tous les stands qui approvisionnent souvent les repas. Oui. Donc, chacun amène sa production actuelle et sort certains flacons un petit peu plus anciens. Ça permet d'échanger, de faire profiter les invités, amis, clients, et puis de goûter des produits déjà évolués. Donc j'apporterai quelques vieux magnums de bulles, parce que les pétillants naturels peuvent vieillir assez bien, voire très très bien. Et donc ça permettra pendant le salon de faire des petits flashs de dégustation sur des bulles, des magnums qui auront pour le plus ancien de 2010. Donc ça permettra de voir un petit peu l'évolution et ce que ça donne, quoi. Donc voilà un peu comment le repas est alimenté et la journée en vieux flacons. C'est vrai qu'on entend souvent que les vins naturels ne peuvent pas vieillir, mais en fait, justement, c'est l'occasion de se rendre compte que c'est vraiment l'inverse. Et alors, qu'est-ce qui est important dans cette mise en valeur à la fois des partenaires locaux et de leurs produits? Mais est-ce qu'il y a un enjeu dans cette démarche aussi? Je pense évidemment au circuit court, à toute cette notion de développement durable. Oui, en fait, moi, c'est un salon que j'essaye de rendre accessible. Là, l'entrée est à 6 euros. Donc, vous achetez un verre que vous pouvez emporter chez vous ensuite. Mais on a dû augmenter d'un euro par rapport à l'année dernière aussi pour suivre l'augmentation des coûts qu'on a. Mais pour le côté accessible, c'est qu'on laisse aussi des places pour les jeunes installés. Donc on a 5 places qu'on met à tarif vraiment réduit, de plus de moitié en fait, pour que ça soit pas un frein au fait de participer à un salon qui a une reconnaissance nationale comme Bulle au Centre. Et donc il y a déjà ça. Et puis le fait de proposer les stands artisans et artisanes. On aura par exemple Laurette Céramique, Philippe Erlos. On aura une brocanteuse qui lance son activité, qui fera son premier événement à Bulle au Centre. Et puis aussi une traiteur qui interviendra le samedi après-midi, donc pour les petites planches dont je parlais tout à l'heure. C'est que des activités aussi qui se lancent et pour lesquelles je propose une participation à prix libre, en fait, pour encore une fois que ce soit pas un frein. Donc c'est vraiment pour favoriser l'accessibilité à cet événement. Et pour le côté circuit court et produits locaux, oui, c'est quelque chose aussi. La traiteur d'Isondinette qui intervient le samedi soir, elle travaille à partir de produits, de fruits, de légumes, vraiment produits par ici, en fait. Et puis, pareil, en fait, le dimanche, donc on ouvre le salon à 11h jusqu'à 19h. Et pendant ce temps-là, il y aura... les maraîchers de la Belle au Pois Gourmand qui sont installés à Rochecorbon et qui ont déjà tenu un bar à salade lors des deux dernières éditions de Bulle au Centre, qui proposeront des salades composées avec leur production bio. Il y aura aussi le camion d'Abali Food Truck qui propose de la cuisine d'Afrique de l'Ouest. Donc là, on voyage un petit peu plus, mais à chaque fois, c'est des bons produits. Oui, mais ça peut se combiner avec des bons vins locaux. Tout à fait. Avec des bonnes bulles locales. Totalement, oui. Il y a beaucoup de boissons, notamment les pétillants naturels, mais les cidres notamment, qui peuvent être consommés avec plein de plats et donc d'origines différentes. Oui. Il faut essayer ce genre de mariage, c'est très surprenant et ça marche. En tout cas, ça donne très très envie. En plus, on le disait hors antenne, mais la Charpente, c'est un lieu qui est juste génial. Enfin, c'est habité d'une âme certaine. Voilà, on pense à Nanou et Alex qui ont complètement retapé ce lieu pour en faire un lieu de résidence artistique, et pas que, finalement, parce que d'artisanat aussi. Donc, ça donne très très envie. Donc, on rappelle que le salon Bulle au Centre, les 19 et 20 juillet, à la Charpente. Et là, ce sera de 14h à 19h, le samedi et le dimanche. 14h, 19h pour samedi et 11h, 19h pour dimanche. Donc vous pouvez venir déjeuner le dimanche avec c'est plaisir. Parfait. Et on est sûr qu'il fera beau, mais pas trop chaud. On sera pile poil comme pas il trop faut. Chaud. En tout cas, on va essayer de ménager des zones d'ombre. Et à la Charpente, comme tu l'as dit, Marlène, c'est vraiment un lieu incroyable avec à la fois une partie intérieure qui est un ancien atelier de charpentier qui a beaucoup de charme. Vous avez une zone extérieure, on va prévoir des barnums aussi pour le public pour aller se reposer. Il y aura des petits coins d'ombre quand même. En tout cas, puis totalement sécure pour les enfants, je le dis pour les familles, mais c'est vrai que c'est bien aussi quand on veut venir en famille, il n'y a pas de risque à la Charpente, c'est parfait. Oui, et j'ai des amis qui justement ont blagué sur le fait qu'ils n'allaient pas emmener leurs enfants. Eh bien si, c'est possible, parce que sur certains stands, il y a aussi des jus de fruits en fait, qui sont proposés par les producteurs, parce que quand on fait du cidre et du poiré, on peut aussi faire du jus de fruits, du jus de pomme et jus de poire, et jus de coing parfois aussi, donc il y a des très belles choses à goûter aussi, sans alcool, à cette occasion. Bah, ça nous aurait étonné que vous n'ayez pas pensé à tout. Merci. Donc voilà, vous l'avez compris, vin, cidre, poiré, le sans alcool, la musique, les spectacles, et puis plein de belles rencontres au programme. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos-là, Julie ? Alors, on est sur Facebook et Instagram, c'est sur Bulle au Centre, le compte. On n'a pas de réseau qui a été créé pour Préambule pour le moment, et si... le salon Préambule perdure, peut-être qu'il y en aura par la suite. Mais pour l'instant, c'est Bulle au Centre. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse dire un petit mot à nos auditeurs pour leur peut-être donner envie de venir vous rejoindre avant qu'on écoute Chacha Boogers. Eh ben, je dirais que je leur donne rendez-vous, moi, le 19 et 20 juillet, dans ce très très bel endroit qu'est la Charpente, effectivement. C'était une très très belle découverte. Donc voilà, venez déguster à un moment un peu plus frais d'excellentes boissons pétillantes. Merci. Très bien. Moi je dirais, comme je l'ai un peu dit aussi tout à l'heure, pour moi ça a été vraiment la découverte. Moi j'aimais pas les bulles et j'aimais pas trop les cidres et les poirées aussi. Je parle d'il y a 10 ans. Et en fait, en commençant à travailler pour Bulle au Centre, j'ai vraiment découvert des produits qui m'ont complètement stupéfaite par leur finesse et par moi qui aime bien manger, par les arômes, les goûts, en tout cas toutes les sensations que ça pouvait procurer. Donc si vous avez envie d'être surpris et surprise, c'est déjà, si vous avez une curiosité, c'est le moment de venir l'assouvir à Préambule et Bulle au Centre pendant ces deux salons, dimanche 6 et puis CM à Tours. Et samedi 19 et dimanche 20 à Amboise. À la Charpente. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Julie Joyer, Pascal Potter. On vous souhaite une bonne préparation de tous ces beaux événements et on s'y retrouvera, évidemment. Merci. Eh bien, chose promise, chose merci due. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, on va se quitter avec Chacha Boogers, qu'on retrouvera du coup... Le samedi soir, si vous venez au dîner, à réserver 7 jours avant. Et puis le dimanche, toute la journée. C'est parfait. C'est la fin de ce mag, c'est parti en musique. Thank you. give them to science. I've gotta look far, somebody who can stop me. I'm not so blind, but I've lost my left glasses. I know someday I'd put my body on holidays anyway.